Jean Valjean avait été repris et ramené au bagne de Toulon, et personne n'y pensa plus dans Montfermeil. Vers la fin d'octobre de l'année 1823, les habitants de Toulon virent entrer dans leur port, à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau Orion. L'année 1823 était ce que la Restauration appelait l'époque de la guerre d'Espagne. La guerre de 1823, attentat à la générale nation espagnole, était en même temps un attentat à la Révolution française. Revenons au navire l'Orion. Pendant les opérations de l'armée commandées par le prince généralissime, une escadre croisée dans la Méditerranée. L'Orion était de cette escadre. La présence d'un vaisseau de guerre dans un port a un je ne sais quoi qui appelle et qui occupe la foule. C'est que cela est grand et que la foule aime ce qui est grand. L'Orion était un navire malade depuis longtemps. Il était mouillé près de l'arsenal. Un matin, la foule qu'il contemplait fut témoin d'un accident. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ces quelques lignes. 17 novembre 1823, hier, un forçat de corvée à bord de l'Orion, en revenant de porter secours à un matelot, est tombé à la mer et s'est noyé. On a pu retrouver son cadavre. On présume qu'il se sera engagé sous le pilotis de la pointe de l'arsenal. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean.